Chapitre 12e. Comment la princesse prouva la réalité du prodige, comment la fée Flamèche l'expliqua et comment finit l'histoire. Il y avait à Serendip un statuaire célèbre dont le talent excitait l'admiration de beaucoup de gens et l'envie de quelques-uns. Or, jamais ces deux sentiments ne s'étaient manifestés plus vivement que dans le moment actuel. Voici à quelle occasion. Après la mort inopinée de l'opulent bossu, qui avait si à propos fait une veuve d'une nouvelle mariée, le roi avait craint que l'opinion publique ne s'émût en voyant sa fille devenue à si bon marché maîtresse d'un si riche héritage. Pour couper court aux mauvais propos, il avait résolu de donner à une partie des immenses trésors accumulés par Montando une destination qui plut au ministre de la Religion, très puissant en ce pays sur l'opinion publique. Il avait en conséquence fait prendre dans le trésor du bossu 30 000 livres d'or et les avait confiés au statuaire dont nous avons parlé en le chargeant d'en faire un lion colossal. Le lion était l'emblème de la divinité adorée à Serendip. L'artiste s'acquitta de sa tâche avec une habileté merveilleuse. Au bout de très peu de temps, son ouvrage était achevé et le grand lion d'or était livré à l'admiration et à la vénération publique. Le statuaire, pour comble de perfection, avait établi sous cette énorme masse un système ingénieux de roues et d'engrenages qui permettait de le mouvoir sans grands efforts. Le lion fut promené à travers la ville, et la foule immense, accourue sur son passage, se prosternait à sa vue avec respect et non sans terreur, croyant voir apparaître le dieu lui-même, et pensant, tant le monstre semblait vivant, entendre des rugissements sortir de sa gueule formidable. Le lion fut ainsi mené au palais, et le roi fut si ravi en voyant un ouvrage si parfait qu'il récompensa magnifiquement l'artiste. On comprend que l'immense succès obtenu par celui-ci et les honneurs dont il fut comblé ne firent qu'exciter au plus haut degré la haine et l'envie de ses rivaux. Ils se consumaient dans leur rage impuissante lorsqu'enfin le plus exalté d'entre eux trouva le moyen de jeter un nuage sur la gloire qui les offusquait. Il alla trouver le roi et accusa hautement l'auteur du chef-d'œuvre de n'avoir pas employé à la confection tout l'or qui lui avait été confié et d'en avoir détourné une grande partie. On fit venir le statuaire, qui protesta de son innocence, dont il était, dit-il, facile de se convaincre en pesant la statue. Mais si ce moyen était aisé à proposer, il était difficile à exécuter. Où trouver des balances assez grandes et assez fortes pour peser ce colosse ? Tandis que Poltronnet attendait avec impatience le jour de son bonheur, le roi était donc fort perplexe. Il convoqua les sages de la nation et leur exposa la question qui l'embarrassait. Les savants parlèrent longtemps sans rien dire, et ils en étaient là, les uns se grattant le front, les autres se rongeant les ongles, lorsque tout à coup une tapisserie se souleva et la princesse Fleur d'Esprit apparut. « Sire, dit-elle modestement, et vous, sage de la nation, j'ai entendu la délibération à laquelle vous vous livrez, et je crois pouvoir vous dire que vous voilà bien embarrassé pour peu de choses. » « Ma fille, s'écria le roi, auriez-vous trouvé une solution à la difficulté qui nous occupe ?»« Mon père, répliqua la princesse, que l'on amène demain le lion sur la grande place au bord du fleuve. Là, je dirai ce qu'il faut faire, et le ciel aidant, vous saurez au juste ce que vous voulez savoir. » Les conseillers s'en allèrent en secouant la tête, peu convaincus que la princesse fêlée vint à bout d'être à elle seule plus sage que tous ensemble. Le roi lui-même n'était pas tranquille. Le lendemain, la place désignée était couverte d'un immense concours de peuple. La foule ondulait avec un grand murmure, comme une moisson agitée par le vent. Au-dessus des têtes en mouvement s'élevait immobile le lion colossal, pareil à un rocher d'or battu par un océan humain. Quand le roi et la princesse parurent, le mouvement s'arrêta, le bruit cessa, et on entendit distinctement, au milieu, la voix harmonieuse de la belle jeune fille qui commandait au peuple ce qu'il fallait faire pour arriver à la connaissance de la vérité, s'arrêtant après chaque ordre qu'elle donnait, afin de laisser le temps de l'exécuter. Voici ce qu'elle ordonna, et ce qui fut fait à mesure. Un grand navire était sur le fleuve, amarré au quai au-dessus duquel s'élevait son flanc arrondi. On établit d'abord, avec de fortes poutres, un passage solide qui partait du pont du navire et s'inclinait vers la terre en formant une pente douce. Ensuite, on fit avancer le lion sur ce passage. À chaque pas qu'il faisait, le vaisseau s'enfonçait dans l'eau et l'inclinaison du chemin de bois devenait moins sensible. Par ce moyen, le colosse se trouva bientôt sur le pont du navire qui, grâce à l'addition de ce poids énorme, se trouvait presque à fleur du quai. Alors, on marqua sur la muraille extérieure du vaisseau la hauteur précise à laquelle arrivait la marge supérieure du rivage de pierre. Quand ce fut fait, on fit rétrograder le lion et on le fit descendre à terre de la même façon qu'on l'avait fait monter sur le navire qui, soulagé à mesure, reprit sa position première. Parmi les assistants, les uns exécutaient la manœuvre commandée, les autres la regardaient, mais aucun ne comprenait où elle devait aboutir. On voyait que le lion était lourd, ce qui n'apprenait rien à personne. « Maintenant, dit la princesse, apportez une grande quantité de pierres et chargez-en le vaisseau jusqu'à ce qu'il se renfonce dans l'eau juste autant que tout à l'heure, et que l'arrêt dont il est marqué se trouve précisément à la hauteur du bord. » On le fit sans comprendre davantage. Le vaisseau chargé redescendit lentement dans l'eau, tandis que la foule, s'interrogeant elle-même, faisait entendre un murmure qui cessa subitement au moment où la princesse reprit la parole. « Il est évident, dit-elle, en voyant que ce qu'elle avait commandé était exécuté, il est évident que ces pierres réunies pèsent exactement le même poids que le lion, puisqu'elles ont fait enfoncer le navire justement de la même quantité. Il ne s'agit donc plus que d'apporter des balances et de peser les pierres séparément pour connaître le poids de la statue d'or. » Les plus intelligents commencèrent à comprendre. Les autres s'y mirent peu à peu, pendant que les pierres apportées par l'eau convenable se succédaient dans les balances. Cependant, l'attente était telle qu'on regardait en silence. Mais quand toutes les pierres furent pesées, quand on eut additionné tous les poids partiels, et qu'on entendit proclamer que le total formait précisément 30 000 livres, alors un tonnerre d'applaudissements éclata de toutes parts. « Vive la princesse Fleur d'Esprit !» criait le peuple. « Vive celle dont la sagesse est la gloire de son pays !» Le statuaire accusé fut comblé de nouveaux honneurs. Son accusateur fut puni comme il le méritait, et ceux qui avaient hoché la tête quand on parlait de la raison revenue de la princesse furent les premiers à manifester une admiration sans bornes et à dire « Je l'ai toujours cru ». Mais le plus heureux en cette affaire, c'était l'amoureux Poltronnet, qui, non content d'avoir joui dans son cœur du triomphe de celle qu'il aimait, avait eu la satisfaction d'entendre le roi lui dire, en mettant dans sa main la main de la princesse, « À présent, mes enfants, vous pouvez vous marier quand vous voudrez. » « Tout de suite, » dit Poltronnet. Et en effet, tous les préparatifs étaient faits d'avance, on ne tarda pas plus longtemps. Les noces furent célébrées avec une magnificence extraordinaire. Il y eut des réjouissances de toutes sortes auxquelles, cette fois, le peuple tout entier s'associa de bon cœur, car Poltronnet était aimé de tout le monde. Une partie de la pompe déployée en cette circonstance solennelle rejaillit sur une autre Hyménée qui se célébrait en même temps, le jour où Poltronnet épousait Fleur d'Esprit, Dondin épousait la nourrice. Ce mariage n'était pas aussi surprenant qu'il peut le paraître au premier abord. La nourrice avait raconté au prince les événements qui avaient amené le trépas de Montando. La part qu'avait prise Dondin à ce bienheureux accident avait effacé les torts antérieurs de l'écuyer. Poltronnet, reconnaissant, l'avait repris à son service et avait même manifesté l'intention de lui prouver sa gratitude. Dondin avait demandé pour récompense la main de la nourrice. Celle-ci, consultée, s'était trouvée flattée de la recherche de ce gros petit homme, assez sensé pour dédaigner les vains avantages de la beauté et de la jeunesse, et avait déclaré être toute disposée à couronner ses vœux. L'affaire convenant ainsi aux plus intéressés avait été conclue sans d'autres obstacles. Malgré les félicitations, les discours, les festins, les chansons et les danses, la journée des noces avait paru longue à l'impatient Poltronnet, dont les yeux allaient sans cesse de la princesse à l'horloge et de l'horloge à la princesse. Dondin lui-même avait donné plusieurs fois des signes d'un empressement propre à chatouiller doucement le cœur de son épousée. Mais les choses les plus longues ont une fin, et l'amoureux Poltronnet vit enfin arriver l'heure où il lui fut permis d'entraîner Fleur d'Esprit loin de la foule importune. Dondin et la nourrice avaient déjà disparu. Les jeunes époux approchaient de leur appartement lorsque la princesse s'arrêta et supplia Poltronnet de modérer sa légitime impatience et de lui permettre d'accomplir à l'instant même un devoir qu'elle considérait comme sacré. Elle voulait, disait-elle, donner une marque de sa reconnaissance à une personne dont elle avait reçu tant de preuves d'attachement. Les agitations de la journée ne lui avaient pas laissé le loisir d'offrir à sa nourrice le présent de noces qu'elle lui destinait, et elle désirait réparer cette omission. Le prince, qui ne savait rien lui refuser, comprit ce sentiment, et tous deux se dirigèrent vers la chambre occupée par leur serviteur. Ils frappèrent à la porte, et on ne répondit pas d'abord. Ils frappèrent de nouveau. Dondin demanda qui était là, et un peu de temps se passa encore avant qu'il se décidât à ouvrir. Il était seul. Sa contenance était embarrassée, et il jetait des regards inquiets vers la cheminée où brûlait un grand feu. « Où est ta femme ?» lui demanda le prince. « Je ne sais pas, » balbutia Dondin. « Ah, la voilà !» reprit-il en montrant le feu, où commençait à se dessiner vaguement parmi les flammes mouvantes la figure d'une dame en robe rouge tenant une baguette à la main. Poltronnet reconnut la fée Flamèche. « Malheureux !» s'écria-t-il en s'adressant à Dondin. « Comment cela est-il arrivé ?»« Ah, dame !» répondit l'écuyer. « Vous pensez bien que je n'ai pas épousé cette vieille nourrice sans avoir mon idée. Je me suis réservé le droit de la faire devenir fée chaque fois que cela me conviendra. Il n'est pas mauvais d'avoir une fée à ses ordres, sous la main, dans un ménage. » Le prince lui jeta un regard de mépris. Il s'apercevait, non pour la première fois, que Dondin n'était décidément pas exempt de quelques petits travers. Il allait lui faire des reproches quand la fée prit la parole. « Prince, dit-elle, et vous, ma chère princesse, ne dites rien à ce méchant homme. S'il s'est conduit cruellement vers sa femme, s'il lui a infligé, dans des vues d'intérêt personnel, le terrible supplice d'être brûlée vive, je lui pardonne en pensant que je lui dois le bonheur de vous apparaître dans ma puissance et de pouvoir exercer cette puissance en votre faveur. Parlez, que voulez-vous ? Madame, dit le prince, je vous remercie de vos bonnes intentions, mais je suis parfaitement heureux et je ne désire plus rien. Pourtant, ajouta-t-il en se reprenant, vous me feriez plaisir de m'apprendre comment mon bonheur est arrivé et par quel prodige la pauvre princesse fêlée est redevenue la belle princesse Fleur d'Esprit. C'est facile, dit la fée. Le magicien Spavento t'a raconté jadis comment un rat avait dévoré l'esprit dérobé à la princesse. Ce rat, devenu très spirituel, n'en fut pas moins mangé par le perroquet, dont tu as si bien apprécié l'intelligence. Voilà pourquoi la sorcière Kirimiri t'a donné à entendre que l'esprit de la princesse était en ta possession. Plus tard, la princesse a mangé le perroquet, et voilà comment elle a recouvré sa raison. Voilà pourquoi son premier acte d'intelligence a été de te reconnaître et de te dire qu'elle t'aimait. « Je comprends, » dit Poltronnet. « Maintenant, ma chère fille, » dit la fée en s'adressant à Fleur d'Esprit, « désires-tu quelque chose que je puisse te donner ?»« Non, » dit la princesse, « je suis heureuse. » Et elle jeta sur son époux un regard qui fit bondir le cœur du prince. « Eh bien, » dit la fée, « je penserai pour vous un avenir auquel vous ne pensez guère, et je vous donnerai quelque chose qui complétera votre bonheur. Vous aurez des enfants qui vous ressembleront. Ils auront la beauté et l'esprit de leur mère, la bonté de leur père, son courage modeste et sa constance invincible. » Ici, Poltronnet serra la main de Fleur d'Esprit qui répondait à ses douces étreintes en rougissant et baissant les yeux. La flamme pâlissait déjà. « Et moi ? » s'écria Dondin. « Je suis votre mari. Vous devriez bien me faire un don quelconque. »« Soit, » dit la fée, « je te donne une vertu que tu ne parais pas avoir. Tu aimeras ta femme à l'adoration. » La fée Flamèche devenait de moins en moins visible. Comme la première fois que Poltronnet avait assisté à cet étrange spectacle, la flamme s'éteignit peu à peu, et on ne vit plus dans la cheminée qu'un monceau de cendres sur lequel gisait la nourrice évanouie. On la fit revenir à elle, et elle rouvrit les yeux pour se voir entourée de soins. Dondin surtout se distinguait par son empressement. « Ma pauvre femme, » disait-il à tout moment, et comme la nourrice, toute affermise, prenait un flambeau pour éclairer au prince et à la princesse qui se retiraient, « Ciel ! » s'écria-t-il. « Prends garde, tu vas te brûler !» À peu de jours de là, Poltronnet et Fleur d'Esprit prirent congé du roi et de la reine de Sérendip pour s'en aller au pays où régnait le père de Poltronnet. La princesse y reçut un accueil enthousiaste, et l'amitié qu'elle inspira d'abord ne fit que s'accroître par la suite. Aussi les deux époux vécurent-ils heureux s'adorant l'un l'autre et adorés de tout le monde. Quant à Dondin, il n'était adoré de personne, mais il adorait sa femme, la comblait d'attention et criait comme un paon chaque fois qu'il la voyait s'approcher du feu. Il en fut ainsi tant qu'il plut au ciel, et quand ce fut fini, l'amour de Dondin pour sa femme prit place dans l'histoire à côté de la sagesse de celle qui avait été pendant quelque temps la princesse Fêlée et de la persévérance courageuse du prince Poltronet. Ainsi s'achèvent les aventures merveilleuses du prince Poltronet et de la princesse Fêlée par Saint-Aignan Scholaire.